Qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend? Armée vocale est là-haut, ha. Là-haut, armée vovo. Ok, hein? Qu'est-ce qu'on attend? Hein? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a pour nous? De cette question-là, j'ai fait le tour. Peser le contre et le pour, aller de l'avant. Gambader devient navrant. Qu'est-ce qu'on attend pour gambader et s'en aller? Je pensais déjà la même quand mon arme valait rien. Le drame c'est qu'on rame tous, putain de galériens. Ceux qui remettent tout à demain ne feront pas nos feux frères. Autant que tu sais fier, content mais faut les laisser faire. Monter un réseau plus grand qu'SFR. Ne pas se laisser pomper l'air, parler sans sortir des containers. Nos jours sont comptés, j'ai appris à mes dépens. Crois-moi, ça fait un choc quand un bon ami se pend. Les agissements défient parfois la logique en place. Et quand les corps gisent, les dents brisent, des vies qui s'entrassent. Qu'est-ce qu'on attend avant que le souci s'entasse? Escalade le mur ou reste Kevlo dans la passe? Ha. Qu'est-ce qu'on attend, bordel, mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de mentalité, me loguer un système si facile de s'y ranger? Enculé, j'oublierai pas, mais pour ça change. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? Qu'est-ce qu'on attend, bordel, mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de mentalité, me loguer un système si facile de s'y ranger? Enculé, j'oublierai pas, mais pour ça change. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? Qu'est-ce qu'on attend? Il y a longtemps le temps où on épousait le rang. Je préfère me marginaliser, marcher seul sur le chemin plutôt que mal accompagné. On a les cartes en main, nos pressions l'attendent. Car facile et l'attente, épidémie de soumission. Mais on reste ambitieux, chaque sou vous appartient. Je laisserai pas à ces chiens. Mais qu'est-ce qu'on attend pour un big soulèvement? Le temps est vite écoulé, les conneries accumulées. Esclavage, colonie, génocide et tuerie. Je pense qu'il est grand temps qu'on se fasse entendre. Que le peuple se réveille, stop la course à l'oser. Mais qu'est-ce qui nous prend? Cessons de subir, il faut couler notre sang, il faut réagir. Je marcherai pas un trêve avant d'atteindre nos rêves. N'attendrai pas un an à moi, un jour une heure de plus, pour faire couler l'encre une fois de plus. Qu'est-ce qu'on attend, bordel, mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de mentalité, me loguer un système si facile de s'y ranger? Enculé, j'oublierai pas, mais pour ça change. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? Qu'est-ce qu'on attend, bordel, mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de mentalité, me loguer un système si facile de s'y ranger? Enculé, j'oublierai pas, mais pour ça change. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? Qu'est-ce qu'on attend pour se retrouver? Quand est-ce qu'on se bat? Dis-moi quand est-ce qu'on s'organise? Sans être radicaliste, contraint d'attendre la guerre civile. Quand tout s'accélère, nos esprits se minimisent. C'est quand qu'on bouge, frère, qu'on stoppe le mimétisme. Parce qu'il paraît, j'ai bonne mine, on m'a si bien appris à faire semblant sans blague. Mon cœur est sanglant, les sanglots restent dans les pupilles. Pas de faiblesse face à l'ennemi. Sans parler d'ego, faut bel et bien cacher le fardeau. Et si le vase n'est pas rempli, ça nous ramène de l'eau. Génération indigo, pas de chemin indiqué. Crise d'identité et personne n'est indigné. Qu'est-ce qu'on attend pour se retrouver? Qu'est-ce qu'on attend pour se révolter? Facile de le rapper après, hein. Apprendre à construire sans donner à la vie son véritable sens. Discours sensé sur une planète en sang. Sans larmoyer, c'est de la tristesse que je ressens. Qu'est-ce qu'on attend, bordel, mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de mentalité, me loguer un système si facile de s'y ranger? Enculé, j'oublierai pas, mais pour ça change. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? Qu'est-ce qu'on attend, bordel, mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de mentalité, me loguer un système si facile de s'y ranger? Enculé, j'oublierai pas, mais pour ça change. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? Qu'est-ce qu'on attend, putain, qu'est-ce qu'on attend? Époque flinguée, d'accord, mais époque de conscience aussi, ok. On est jeune et débile déjà happé. C'est le fruit éducatif d'un système déjà implanté. Hybride d'une société finie, France honteuse. Je te rappelle que nos vieux descendent des 30 glorieuses. Modèle et schéma obsolète, incompatible avec ce que l'on reflète. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les stopper net? De voir le mur sans attendre d'y foncer net. De voir l'espace peut-être en tête à tête et renaître. J'ai le bide dans l'inertie, pareil inerte, ouais. Mais la rage qui l'habite trouve la brèche dans la marche d'un beat. On est là, toujours là, on ne ferme pas les yeux. On est là, toujours au pas, hélas. On ne zappe pas l'enjeu, je ne taquais pas empaqueté. Le pacte est passé de façon, pas le temps de s'empâter, non. Plus le temps, faut que ça bouge, ouais. Reste dans le move, qu'est-ce qu'on attend, bordel, mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de mentalité, me loguer un système si facile de s'y ranger? Enculé, j'oublierai pas, mais pour ça change. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? Qu'est-ce qu'on attend, bordel, mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de mentalité, me loguer un système si facile de s'y ranger? Enculé, j'oublierai pas, mais pour ça change. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? Kito kote la nini, babo mi ma bele, mobulu na bokaboli, babo ma biso, bo vatikala na bomoi, tola mukatango ya bonsomi ekomi. Mais qu'est-ce qu'on attend? La cocotte boue en feu, le frémissement des bulles s'entend. Sous pression, son couvercle se soulève, la chaleur se répand. La tombe se renverse, ce soir Illuminati ne soupera pas. Car le contenant est sans contenu, on signe son trépas. Trop c'est trop, fini le temps de la Java. Illuminati nous montre les uns contre les autres. Dans les rues ces prophètes prêchent un nouvel ordre. Mais qu'est-ce qu'on attend pour retrouver la liberté? Pour mettre fin à ce système, pour désobéir et tout exploser. Mais qu'est-ce qu'on attend pour lever le poing? Le combat nous attend, rébellion et fermeté. Le combat nous attend, rébellion et fermeté.